Chapitre 21, le feu d'artifice. Je portais sa belle petite main à mes lèvres et je lui dis 100 fois que je l'aimais. C'était vrai. Était-ce bien vrai? Le souvenir de cette heure, longue comme un siècle, me serre le cœur après tant d'années. Oui, je l'aimais, mais pas assez. Il eût fallu de l'adoration pour payer sa chaste et délicieuse tendresse. J'aurais donné ma vie pour elle. C'était trop peu, ce n'était rien. Il y avait une autre image que la sienne dans mon cœur. Écoutez, elle n'était pas ma première pensée d'amour, et ils sont si difficiles à effacer, ces souvenirs du printemps de la vie, tout rayonnant de jeunes sourires, tout embaumé par les parfums du pays. Ah, Vivette, ma Vivette! Nous prîmes la rue Notre-Dame des Champs, solitude interminable. Elle me disait, appuyée à deux mains sur mon bras, « Gaston, je ne puis avoir peur que pour vous. J'ai voulu me donner à Dieu. Dieu m'a refusé la force. Je n'ai pas pu. Je tremble parce que je suis heureuse. Ma vie est un trésor maintenant, puisque je suis aimée. S'ils allaient me tuer ?» Tant que dura la rue Notre-Dame-des-Champs, nous ne vîmes personne. À la grande rue de Vaugirard, un homme à manteau nous dit « Vous êtes poursuivis maintenant, mais vous êtes gardés aussi. Prenez toujours à gauche et marchez vite. Une fois que vous serez dans la fête, vous n'aurez plus rien à craindre. » Dans le lointain de la route parcourue, il me sembla entendre le bruit de gens qui marchaient. Ou bien mon oreille tintait, ou bien il y avait des pas de chevaux là-bas sur le pavé. La frayeur publique prêtait aux bandits connus sous le nom de Vide Gousset une puissance extraordinaire. Outre qu'il avait de nombreux associés, il pouvait, à un moment donné, réunir toutes les diverses bandes de malfaiteurs qui foisonnaient dans Paris. C'était le brigand légendaire du moment. Je me disais que, selon toute apparence, Bertrand de Saint-Pierre avait conclu marché avec lui pour l'incendie du pavillon. Ils étaient faits pour s'entendre tous deux. La succession de Mademoiselle de Bois-le-Roi était une proie assez riche. On pouvait payer largement. Saint-Pierre désirait passionnément la possession d'Hermine. Tout était bénéfice pour lui dans le marché. Il risquait d'avoir la femme et, en cas d'accident, il retombait sur l'héritage. Je ne pourrais pas affirmer que ces raisonnements fussent bien clairs dans mon esprit à l'heure dont nous parlons, mais j'en avais du moins l'élément. Quant à ce fait singulier, l'emploi d'une force de police si considérable, une nuit de fête, dans ces quartiers déserts, ce fut une grande faute, et Paris la paya cher. Voici l'explication qui fut donnée après coup. Monsieur le chancelier de Maupoux, parvenu au pouvoir, restait néanmoins désolé parce qu'il n'était point populaire. Il s'ingéniait du matin jusqu'au soir à trouver un bon moyen de se rendre agréable aux habitants de Paris. On n'avait pas roué en grève depuis Damiens, et c'est un joli spectacle. Monsieur de Maupoux voulait offrir cette galanterie aux Parisiens. Coûte que coûte, il lui fallait vivant ce Vide Gousset, le bandit le plus qualifié de France et de Navarre, et qui avait 100 fois mérité la roue. Voilà pourquoi l'essaim des mouches de Monsieur de Sartine, qui aurait dû bourdonner autour des Tuileries, s'égarait dans les solitudes du Luxembourg. Ces choses étaient-elles utiles à dire? Je ne sais. L'eau du Rhin semble ralentir sa course et devenir plus calme quand elle approche des grandes chutes qui la précipitent écumante au fond de l'abîme. Je m'arrête, moi aussi, et j'hésite, entraîné que je suis fatalement vers une catastrophe dont le souvenir glace encore le sang dans mes veines. À partir du chemin de Vaugirard, notre route se poursuivit par le nouveau boulevard, qui était déjà tracé jusqu'aux environs des Invalides. Nous allions très vite. Mademoiselle de Bois-le-Roi était tout haletante, mais c'était elle qui pressait le pas, et de temps en temps elle me disait « Je ne suis pas fatiguée ». C'est à peine si elle s'appuyait désormais sur mon bras. Derrière nous, à quelques 100 pas de distance, 4 hommes marchaient, réglant leurs pas sur le nôtre. Derrière encore, mais beaucoup plus loin, il y avait une troupe qui allait grossissant. Elle nous gagnait. Mais en vérité, ces bonnes gens n'avaient point l'air de songer à mal. On les entendait rire et causer. Hermine en était toute réconfortée, d'autant qu'ils se mirent à chanter « Malbrousse en va en guerre ». C'étaient bien sûr des maraîchers de Vaugirard et de Vanves qui se hâtaient, craignant d'arriver trop tard sur le lieu des illuminations. Nous commençâmes à voir les lumières de la fête en quittant le boulevard pour prendre le chemin qui passe derrière le Sacré-Cœur et traverse les jardins de la Belle Chasse. Désormais, nous allions tout droit vers le palais de Madame la Duchesse de Bourbon. Quelques familles des quartiers environnants stationnaient çà et là, établies sur des tertres. Nous entendions dire en passant « D'ici, on verra très bien le feu d'artifice ». D'autres groupes, moins paresseux, allaient devant et derrière nous pour gagner le pont Louis XV. Le feu, tout le monde répétait cela, devait être tiré devant les Champs-Élysées, et ce devait être superbe. Aux abords du palais Bourbon, notre entourage devint tout à fait rassurant. Les bons villageois qui chantaient Malbrou tout à l'heure nous avaient rejoints et nous dépassaient. Les gens de la police avaient disparu et, par le fait, nous ne les regrettions point, car leur escorte était inutile. Les pauvres diables, cependant, ne nous avaient pas abandonnés de bon gré. Le lendemain, dans le fossé du chemin de la Belle Chasse, on releva 4 cadavres appartenant au bureau de l'inspecteur Joly de Boissy, à savoir l'inspecteur lui-même, son commis, qui était son fils, et 2 recors à sa solde privée. Ces meurtres avaient eu lieu à 100 pas derrière nous, sans que nous eussions rien vu ni entendu. Les premières fusées éclatèrent au moment où nous débouchions au bord de l'eau par la petite rue de Bourgogne. La foule était déjà compacte ici et parsemée de soldats sans armes. Des cris de « Vive le roi !» répondirent à la décharge d'artillerie qui accompagna le début du feu d'artifice. La cohue fut bientôt en extase. Rien n'amuse les Parisiens comme les pétards. Il y a là tout ce qu'ils aiment, le bruit, la lumière, la fumée. Et je mentirais si je disais que je n'étais moi-même enchantée par ce spectacle nouveau. Ma pauvre belle Hermine battait des mains comme une enfant. Notre inquiétude était bien loin. Que craindre en pleine foule, sous ces clartés qui éblouissaient presque autant que le soleil? Nous n'avions plus à subir qu'un peu de fatigue. Une fois traversée la place Louis XV, nous prenions la grande rue Saint-Honoré et nous étions à la porte de mon logis. « Vive le roi ! Pour la pluie des chandelles romaines, vive le roi pour les serpenteaux qui sillonnaient la nuit, rouges et sifflants, vive le roi pour la fête des soleils tournant de tous côtés avec folie. Qu'est-ce que cela? 2 palmiers géants, troncs et feuillages de flammes, les voilà qui se changent en fontaines, et l'incendie liquide retombe en cascade d'étincelles dans des vasques en feu. Féerie! Vive le roi, ce sont maintenant 2 immenses gerbes d'étoiles qui brillent, nagent et s'éteignent dans le noir. « Que c'est beau! Que c'est beau !» disait Hermine. « Gaston, et voir tout cela près de vous !» 2 lignes de pourpre s'élancent, reviennent, montent, descendent. Elles dessinent avec une rapidité prestigieuse les profils enchantés d'un palais, dont la façade apparaît plus blanche que la neige, surmontée d'une colossale fleur de lys couleur d'or. « Vive le roi !»« Et la saucisse ?» répond une voix. On rit. Ce que c'est que l'enthousiasme. « Vive le roi et la saucisse !» Le roi partage désormais. Ce grand mot, qui naguère encore venait après celui de Dieu, court la cohue, déshonorée par son appendice grotesque. On s'en amuse sans trop de malice, mais malheur aux choses qui font rire après avoir fait trembler. « Le bouquet, le bouquet !» Des diamants, des rubis, des topazes et des émeraudes, toutes les pierres précieuses de la terre allumées parmi toutes les constellations du ciel. La rivière qui s'embrase pendant que des orchestres invisibles remplissent l'air de vives mélodies. « Le bouquet, le bouquet! Vive le roi et la saucisse et le roi !» Le croiriez-vous ? Avant même que l'atmosphère eût éteint cette orgie de lumière et de couleurs, le comique avait le dessus. Le roi baissait. La saucisse victorieuse triomphait en une clameur extravagante. Et 100 000 voix hurlaient le vive à nouveau, qui avait bien plus de succès que le feu d'artifice lui-même. Quand la nuit se fit, j'entends relativement, car les illuminations restaient tout le long du pont, sur la place et sous les arbres du cours La Reine, Hermine se serra contre moi. Le bruit l'effrayait. « Marchons !» me dit-elle. Moi, je ne voyais encore aucun sujet de craindre. J'étais prise au contraire par la bonne contagion de la gaieté populaire. Cependant, j'obéis à Hermine, et nous nous dirigeâmes vers le pont en suivant la foule, qui allait bien tranquillement, sans secousse ni chaos, parce que le courant descendait tout entier du même côté. Le premier remous se fit sentir au bout du pont. Il y avait un courant latéral qui venait du quai. Des gens des quartiers du bord de l'eau, marchant en famille et essayant de gagner le cours La Reine pour voir les lampions. Ma volonté était de céder à cette poussée, car il m'importait peu de faire un détour un peu plus long. Le principal était d'éviter à ma chère compagne les inconvénients de la cohue. Mais ici, on ne faisait plus déjà ce qu'on voulait. Les gens qui nous entouraient semblaient avoir une fantaisie contraire à la mienne. Nous étions poussés vers la partie orientale de la place et la presse commençait à être pénible. « Tâchons de nous retirer, » me dit Hermine. « C'est effrayant tout ce monde. » J'essayais. Autant eût valu tenter le passage à travers un mur. Tout en essayant, je regardais les visages de ceux qui nous entouraient. Il me sembla reconnaître plusieurs des maraîchers qui tout à l'heure chantaient Malbrou et qui nous avaient dépassés en arrivant au palais. Il y avait parmi eux de méchantes figures, du moins je pensais cela. C'était peut-être un résultat de la mauvaise humeur qui me prenait. Du reste, la gaieté ne diminuait point parmi la foule, bien au contraire. Les lazzi pleuvaient et se croisaient. On ne tarissait pas sur la saucisse qui avait détrôné le roi. À une vingtaine de pas de la tête du pont, il se fit une large poussée. C'était un officier des gardes de Monsieur le Dauphin qui venait à cheval, suivi par deux simples soldats à pied et armés. Je ne sais pas si jamais gouvernement se rendra compte du danger que présentent les gardiens de la paix publique à cheval, dans les foules, mais jusqu'ici, rien n'a pu ouvrir les yeux de l'administration à cet égard. Une voix dit derrière moi « Le voilà, attention !» Je ne savais pas de qui l'on parlait. Je m'occupais à garantir de tout choc Mademoiselle de Bois-le-Roi. Une autre voix répondit « Ça va chauffer tout à l'heure, puisqu'il se montre. » L'officier à cheval me tournait en ce moment le dos. Je l'entendis très distinctement qui disait à voix basse, comme on donne un mot d'ordre. « Au pont tournant !» En ce moment, il fit volter son cheval, soulevant autour de lui un tonnerre d'imprécations, et j'aperçus son visage au profil perdu. Je crus rêver. C'était Monsieur le Vicomte de Saint-Pierre.